Chapitre 8e. Un soir, très tard, une semaine environ cette visite, le domestique de Newman lui remit une carte. Le comte de Bellegarde, cette personne attend. Quand, un instant plus tard, Newman entra pour recevoir son visiteur, il le trouva debout au milieu du grand salon doré, ayant l'air de tout examiner du plafond au tapis, avec une hilarité mal contenue. « De quoi diable rit-il ? » se demanda Newman, mais sans aigreur cette fois, car il sentait qu'il avait affaire à un aimable garçon, et espérait que leur mutuelle sympathie pourrait devenir un jour une bonne et solide amitié, seulement s'il y avait sujet à rire, il désirait être de la fête. « Pour commencer, » dit Valentin, en tendant la main, « suis-je venu trop tard ? Trop tard pourquoi ? Pour fumer un cigare avec vous. Quant à ça, l'heure importe peu, je ne fume pas. » « Ah, vous êtes un homme fort. Mais j'ai des cigares. Asseyez-vous. »« Sûrement, je ne vais pas fumer ici. Pourquoi ? Est-ce que la pièce est trop petite ? Trop grande, au contraire. Je croirais fumer dans une salle de bal ou dans une église. »« Est-ce là ce qui vous faisait rire quand je suis entré, la dimension de mon salon ? Non seulement sa dimension, mais sa splendeur harmonieuse, la beauté de ses détails. C'était un sourire d'admiration. » Newman le regarde un instant, puis... « Ainsi, vous le trouvez affreux. »« Affreux, dites magnifique. »« C'est la même chose, je suppose. »« Mettez-vous à votre aise. »« Votre visite est une preuve d'amitié. »« Vous n'y étiez pas forcé. »« C'est pourquoi, si quelque chose vous amuse ici, ne vous gênez pas. »« Riez aussi fort qu'il vous plaira. »« J'aime avoir mes amis en belle humeur. »« Seulement, il faut me promettre de toujours m'expliquer ce qui causera votre gaieté. »« Je désire en prendre ma part. » Monsieur de Bellegarde le regarda d'un air perplexe, lui posa la main sur le bras, comme s'il allait dire quelque chose, mais s'arrêtant brusquement, il se renversa dans son fauteuil et se mit à fumer. À la fin, cependant, il rompit le silence. « Certainement, ma visite est un acte d'amitié. Pourtant, j'ai été en quelque sorte forcé de vous la faire. Ma sœur me l'avait demandé, et les moindres désirs de ma sœur sont pour moi des ordres. Je passais tout à l'heure sur le boulevard. » J'ai vu de la lumière aux fenêtres de votre appartement et quoique ce ne fût pas tout à fait le moment pour une visite officielle, je suis monté. Je n'étais pas fâché de vous prouver ainsi que je n'accomplissais pas une simple formalité en vous rendant visite. « Eh bien, me voici au naturel, » dit Newman en allongeant les jambes. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, » continua le jeune homme, « quand vous me donnez entière liberté de rire à mon gré. Certes, je suis un grand rieur. » Il vaut mieux, à mon humble avis, rire trop que pas assez. Mais ce n'est pas pour nous procurer à tous deux le plaisir de rire, ensemble ou séparément, que je désire cultiver votre connaissance. Pour parler avec une franchise presque impudente, vous m'intéressez. » Tout cela fut dit par M. de Bellegarde avec l'affabilité étudiée de l'homme du monde et cependant avec une bonhomie dont Newman fut touché. Décidément, ce jeune homme lui plaisait. Français jusqu'au bout des ongles, d'une taille au-dessous de la moyenne, agile et robuste, Valentin de Bellegarde, Newman le sut plus tard, avait une idée fixe, la peur d'engraisser. « Je suis de trop petite taille, disait-il, pour me permettre un ventre. » Il montait à cheval, faisait des armes, de la gymnastique avec un zèle infatigable, et si quelqu'un l'abordait avec un « quelle mine vous avez !», il tressaillait et pâlissait. La tête ronde, haute au-dessus des oreilles, la chevelure épaisse et soyeuse, le front large et bas, le nez petit, plus impertinent que classique, la moustache fine et retroussée, il ressemblait d'une manière frappante à sa sœur, non pas que leurs traits fussent les mêmes, mais par l'expression générale de la physionomie et surtout par ses yeux clairs et brillants, la manière dont il souriait. Le caractère principal de son visage était la vivacité, une vivacité pleine de franchise, d'ardeur, de vaillance. Valentin, évidemment, n'était pas de ces gens qui vivent enfermés en eux-mêmes et se retirent, pour ainsi dire, dans un coin de leur conscience pour ne pas se servir du reste. Il était fièrement campé au milieu de la sienne et tenait table ouverte. Son âme tout entière se reflétait dans son regard. Dans son rire, il vous donnait jusqu'à la dernière goutte de la gaieté. Newman éprouvait en sa présence quelque chose de l'étonnement naïf que lui inspiraient, au jour de son enfance, quelques-uns de ses camarades, habiles au jeu et au tour d'adresse, ceux qui faisaient craquer leurs os à des endroits étranges ou sifflaient sans entrouvrir la bouche. Ma sœur m'a dit que je devais aller vous voir et tâcher d'effacer l'impression que je m'étais donné tant de peine de produire sur vous l'autre jour, continua le jeune comte. Elle prétend que vous m'avez certainement pris pour un fou. Est-ce que vous trouvez vraiment que je me suis conduit d'une façon si extraordinaire ? Un peu, dit Newman. C'est ce qu'elle m'a affirmé. En ce cas, et Valentin observait son hôte à travers les spirales de fumée de son cigare, en ce cas, laissons les choses en l'état où elles sont. Loin de chercher à passer pour un fou, j'ai voulu produire au contraire sur vous une impression favorable. Si je n'ai pas réussi, c'est que la Providence en avait ordonné autrement. Je me ferais tort en protestant par trop, car je semblerais avoir des prétentions à la sagesse, que par la suite je serais incapable de justifier. Disons donc que je suis un fou qui a des moments lucides. Oh, vous savez parfaitement ce que vous êtes, j'en suis sûr, dit Newman. Quand je suis lucide, je le suis terriblement, j'en conviens. Mais ce n'est pas pour vous parler de moi que je suis venu, je voudrais vous adresser quelques questions. Me permettez-vous? Donnez-moi un exemple. Vous vivez tout seul ici? Absolument seul. Avec qui pourrais-je vivre? Pour le moment, fit en souriant M. de Bellegarde, je pose des questions, je n'y réponds pas. Vous êtes venu à Paris pour votre plaisir? Newman ne répondit pas tout de suite. Enfin, de son ton lent et tranquille, tout le monde me demande cela, c'est donc bien extraordinaire. Mais en tout cas, vous aviez un motif. Je suis venu pour mon plaisir. C'est peut-être stupide, mais c'est l'exacte vérité. Et vous vous amusez? En vrai américain, Newman ne voulait pas avoir l'air de priser trop la France. Bon, comme ci, comme ça. Monsieur de Bellegarde recommençait à fumer en silence. En ce qui me concerne, reprit-il quelques instants après, je suis complètement à vos ordres. Je serai heureux de faire pour vous tout ce qui dépendra de moi. Venez me chercher toutes les fois que vous aurez besoin d'un guide ou d'un conseil. Y a-t-il quelqu'un que vous désiriez connaître, quelque chose que vous souhaitiez voir? Ce serait vraiment dommage que vous ne jouissiez pas de votre séjour à Paris. Oh, mais j'en jouis, s'écria Newman d'un ton de bonne humeur. Je vous remercie beaucoup. Franchement, continua M. de Bellegarde, il est absurde à moi de vous faire de semblables offres de service. Elle représente, si vous voulez, une forte dose de bon vouloir, mais pas grand-chose d'autre. Valentin de Bellegarde offrant aide et protection à M. Newman de San Francisco, c'est le monde renversé, tout simplement. Vous êtes un homme heureux à qui tout a réussi. Moi, je ne suis bon à rien. Ma vie est ce que nous appelons ici un four. Un four? N'est-ce pas une pièce de théâtre tombée? D'où êtes-vous tombé, vous? Oh, pas de bien haut, rassurez-vous, s'écria en riant le jeune homme. Ma chute n'a rien de tragique et n'a pas fait grand bruit. Vous, évidemment, vous êtes un succès. Vous avez réalisé une grande fortune, élevé un édifice. Vous êtes une puissance commerciale et financière. Vous pouvez, à votre gré, voyager à travers le monde jusqu'à ce que vous trouviez le coin qui vous conviendra et où vous planterez votre tente avec la satisfaction de pouvoir vous dire « J'ai bien gagné mon repos ». Eh bien, figurez-vous juste le contraire, et vous aurez une idée de ma position sociale. Je n'ai jamais rien fait de mes 10 doigts, et je ne puis rien faire. Pourquoi pas? C'est une longue histoire, que je vous raconterai peut-être quelques jours. En attendant, j'ai raison, hein? Vous êtes un bénard, vous avez fait fortune. Cela ne me regarde pas, j'en conviens, mais enfin, vous êtes riche. Rien n'est plus ridicule à dire, répondit tranquillement Newman. Que diable est-ce qu'on n'est jamais riche? J'ai entendu des philosophes affirmer qu'on n'est jamais pauvre, mais je préfère votre formule, c'est un progrès. En général, je l'avoue, je n'aime pas les gens heureux. Je trouve offensant pour moi ceux qui ont été assez habiles pour réussir. Ils me marchent sur les pieds, ils m'importunent. Cependant, dès que je vous ai vu, je me suis dit, voilà un homme qui me va. Il a l'air d'un bon enfant. Son succès ne lui donne pas cette morgue insolente, cette vanité agaçante, intolérable, du français enrichi. En un mot, vous m'avez plu tout de suite. Nous n'avons rien de commun, j'en suis sûr, ni dans les habitudes, ni dans les idées. Je mettrai ma main au feu, qu'il n'y a pas un sujet sur lequel nous pensions ou sentions de même. Eh bien, malgré tout, je crois que nous nous entendrons parfaitement. Quand deux hommes se savent d'opinions diamétralement opposées, Il est bien rare qu'ils prennent la peine de se quereller. « Oh, je ne me querelle jamais, » dit Newman. « Jamais ? C'est pourtant un devoir, quelquefois, au moins un plaisir. Moi, j'ai eu dans ma vie deux ou trois querelles délicieuses. » À ce souvenir, le visage de M. de Bellegarde s'éclaira d'un sourire presque voluptueux. Ils restèrent à causer pendant une grande partie de la nuit. L'idée que peut-être il était importun n'entra pas un seul instant dans l'esprit du jeune comte. Les pieds sur les chenets de la cheminée, il se mit à son aise, comme chez lui, fumant et bavardant. C'était une tradition dans sa famille que les Bellegarde faisaient toujours un grand honneur à ceux qu'ils condescendaient à bien accueillir. Et comme ses enthousiasmes étaient aussi rares que sa politesse était inaltérable, il avait double raison pour ne se croire jamais gênant. En dépit de la tradition, cependant, rien en lui ne trahissait la morgue et la raideur désagréable du jeune noble entiché de l'antiquité de sa race. Et s'il n'en était pas tout à fait exempt, il savait au moins la dissimuler sous la grâce et l'urbanité, comme une vieille douairière cache ses rides sous les perles et les dentelles. Valentin était, dans l'acception la plus pure du mot, ce qu'on appelle en France un gentilhomme. Il ne connaissait d'autre règle dans la vie que de remplir dignement son rôle de gentilhomme, et jugeait ce but assez important pour ne pas s'occuper d'autre chose. Mais tout cela était plutôt chez lui instinct que théorie, et avec l'extrême affabilité de son caractère, ses prétentions aristocratiques, quelquefois si choquantes et si irritantes, semblaient de sa part toutes naturelles. On l'avait soupçonné dans ses jeunes années de goût bas et de mauvais instincts, et sa mère craignit longtemps de le voir glissant dans la boue, éclabousser le blason des Bellegarde. On redoubla en conséquence de sévérité à son égard, on le tint, comme on dit, très serré, mais sans parvenir à le monter sur des échasses. Tous les efforts se brisèrent contre ce caractère primesautier, plein de spontanéité et d'imprévu, et Valentin de Bellegarde resta le moins imprudent et le plus hasardeux des jeunes nobles. Les souvenirs de son enfance lui mettaient au cœur une haine féroce de la discipline dans la famille, et il avait osé dire un jour, dans l'intimité bien entendu, que malgré toute son étourderie et sa légèreté, l'honneur du nom des Bellegarde était plus en sûreté avec lui qu'avec certains autres, et qu'au jour de l'épreuve, on en pourrait juger. Sa conversation était un mélange bizarre de la vivacité, de la pétulance du gamin de Paris, et de la réserve discrète de l'homme. S'il vous amusait par sa grâce juvénile et sa folle étourderie, l'instant suivant il vous jetait dans un profond étonnement par sa gravité et l'incroyable maturité de son jugement. C'est souvent le cas, du reste, chez les jeunes gens de race latine, et Newman eut plus d'une fois l'occasion de le remarquer par la suite. « Ce que je vous envie le plus, c'est votre liberté, » dit Valentin. « Le monde vous appartient. Vous pouvez aller et venir sans avoir à votre suite un tas de gens qui se prennent au sérieux et épluchent toutes vos actions. Moi, je vis sous le regard de mon admirable mère. C'est votre faute. Il ne dépend que de vous soustraire à son influence. Il ne dépend que de moi. Vous êtes vraiment adorable de naïveté. Tout s'y oppose, au contraire. D'abord, je n'ai pas le sou. Je n'avais pas un penny quand j'ai commencé la vie. Ah, mais votre pauvreté était votre capital. Étant américain, il vous était impossible de rester ce que vous étiez en naissant. Et étant né pauvre, si j'ai bien compris, vous deviez inévitablement devenir riche. Cette situation-là me fait venir l'eau à la bouche. Vous regardiez autour de vous et vous voyez un monde plein de belles choses à votre portée. Vous n'aviez qu'à étendre la main pour les saisir. À 20 ans, moi aussi, j'ai regardé autour de moi et sur toute chose, j'ai lu les mots « bas les pattes ». Et le pire est que l'inscription semblait ne s'appliquer qu'à moi seul. Je ne pouvais entrer dans les affaires et faire ma fortune sous prétexte que j'étais un Bellegarde. Impossible de devenir un homme politique, j'étais un Bellegarde. La littérature, inutile d'y penser, je suis ignorant comme une carpe. Épouser une héritière, allons donc, est-ce qu'un Bellegarde s'allie jamais à une roturière? Je ne devais pas en donner le premier exemple. Il faudra bien en venir là pourtant, un jour ou l'autre. Les jeunes filles riches à marier n'abondent pas dans notre monde, et plus elles sont rares, plus elles sont difficiles. Nom pour nom, fortune pour fortune. La seule chose qui me fut permise était d'aller me battre pour le pape. Et c'est ce que je fis. je reçus à Castelfidardo une blessure apostolique qui ne profita pas plus au Saint-Père qu'à moi-même, comme vous savez. Rome pouvait être une ville amusante au temps de Caligula, mais elle a terriblement changé depuis, je vous en réponds. Je passai 3 ans au château Saint-Ange, puis je rentrai dans la vie séculière. « Ainsi, dit Newman, vous n'avez pas de profession, vous ne faites absolument rien. »« Je ne fais rien. On prétend que je m'amuse. »« À vous parler franchement, je me suis amusé. Mais enfin, ça ne peut pas durer éternellement. J'ai encore 5 ou 6 ans devant moi, peut-être. Ce temps-là passé, j'ai bien peur de ne plus avoir d'appétit. Que deviendrai-je alors? Moine, sans doute. Sérieusement, je crois que je m'attacherai une corde autour de la ceinture et irai m'enfermer dans un cloître. C'est une coutume du bon vieux temps. Êtes-vous très pieux ? Demanda Newman d'un ton solennel tout à fait comique. Monsieur de Bellegarde, évidemment, sentit tout le burlesque de la question, mais il répondit avec le plus grand sérieux : Je suis fervent catholique. Je respecte l'Église, j'adore la Sainte Vierge, et je crains le diable. Eh bien, en ce cas, dit Newman, que vous manque-t-il ? Vous avez le plaisir dans le présent et la religion pour vous consoler dans l'avenir. De quoi vous plaignez-vous ? C'est si amusant de se plaindre. Il y a en vous quelque chose qui m'agace et m'irrite. C'est singulier, mais vous êtes le premier individu auquel j'ai porté envie. J'ai connu des hommes doués de ces avantages factices que l'on veut bien m'accorder. De plus, ils avaient de l'argent et de l'intelligence. Eh bien, ma bonne humeur n'en a jamais été altérée. Chez vous, au contraire, il y a un je ne sais quoi que j'aurais désiré avoir. Ce n'est pas votre fortune, ce n'est pas votre grande taille, quoique 2 pouces de plus ne m'eussent pas fait de mal. Non, c'est cette espèce d'air que vous avez d'être partout comme chez vous, at home, dans le monde entier. Quand j'étais enfant, mon père me disait souvent que c'était à cet air-là qu'on reconnaissait un Bellegarde. Mais comme il ajoutait que je n'avais pas besoin de m'en préoccuper, que cela me viendrait tout seul en grandissant, je n'ai jamais rien fait pour acquérir ce maintien particulier. Je supposais que je devais le posséder puisque j'en avais le sentiment. Ma place dans la vie étant faite par avance, il me semblait facile de l'occuper. Mais vous, qui avez, si j'ai bien compris, fait vous-même votre place dans la société, vous qui, vous ne l'avez dit l'autre jour, avez fabriqué des cuves pour les blanchisseuses, vous avez positivement l'aspect d'un homme à son aise partout, d'un homme qui regarde haut les choses et les gens. Vous me faites l'effet d'un homme qui voyage sur une ligne de chemin de fer dont il est un des principaux actionnaires. Quand je suis près de vous, je sens qu'il me manque quelque chose. Qu'est-ce donc ? La conscience, l'orgueil d'avoir accompli son devoir, d'avoir honnêtement travaillé, d'avoir fabriqué quelques cuves. Dit Newman d'un ton moitié grave, moitié railleur. Oh non ! J'ai connu des gens qui avaient fabriqué pire que des cuves, du savon noir, mon cher, en gros pain, et auprès desquels je n'ai jamais éprouvé ce sentiment d'infériorité. Alors c'est ma qualité de citoyen américain. Voilà qui relève un homme. C'est possible. Et pourtant j'ai rencontré dans ma vie quelques citoyens américains qui n'avaient pas le moins du monde l'air élevé. L'idée de leur porter envie ne m'est jamais venue, non. Je penserais plutôt que c'est chez vous un talent tout personnel. Oh, voyons, vous allez me rendre orgueilleux. Il n'y a pas de danger. Encore un trait particulier de votre caractère, vous n'avez ni orgueil ni humilité. On est orgueilleux quand on a quelque chose à perdre, et humble quand on a quelque chose à gagner. Je ne sais si j'ai quelque chose à perdre, mais je suis sûr d'avoir quelque chose à gagner. Quoi donc ? Newman hésita. Je vous le dirai quand je vous connaîtrai mieux. J'espère que ce sera bientôt. Si je puis vous aider à l'obtenir, disposez de moi. Je serai heureux de vous être utile. Vous le pourrez, probablement. En ce cas, n'oubliez pas que je suis à vos ordres. Peu d'instants après, M. de Bellegarde prit congé de son nouvel ami. Pendant les 3 semaines qui suivirent, Newman le vit souvent, et sans se jurer une amitié éternelle, les 2 hommes ne tardèrent pas à être sur le pied d'une véritable camaraderie. Bellegarde était le type du héros de chevalerie, du jeune seigneur de noble race. Brave, franc, ouvert, amusant, content de l'effet qu'il produisait, irréprochable dans ses relations sociales et ami du plaisir, enthousiaste du point d'honneur, prêt à lui tout sacrifier, C'était là la seule chose dont il parla avec une sorte de foi extatique. Pour tout le reste, railleur et sceptique, mais plein d'une gaieté communicative. Valentin était un de ces êtres dont Newman n'aurait probablement jamais soupçonné l'existence, mais qu'il était très capable d'apprécier une fois mis en contact avec lui. En étudiant Bellegarde, Newman ne revint pas sur sa première opinion, que les Français sont légers et frivoles, mais il reconnut que ses défauts ne les empêchent pas d'être charmants et du commerce le plus agréable. Valentin de Bellegarde habitait le rez-de-chaussée d'une vieille maison de la rue d'Anjou-Saint-Honoré. Son petit appartement donnait, d'un côté sur la cour de l'hôtel, de l'autre sur un grand jardin, un de ces jardins humides où le soleil ne pénètre jamais, et qu'on aperçoit quelquefois Paris en regardant par l'entrebâillement de quelques portes cochères, tout étonné de les trouver là, respectés au milieu de l'envahissement toujours croissant des nouvelles constructions. Lorsqu'il alla lui rendre visite, Newman fit observer au jeune comte que ce logement pouvait prêter à rire au moins autant que les salons dorés du boulevard Haussmann. Tout y était étrange, bizarre, les pièces petites, basses, sombres, irrégulières, encombrées de bibelots de toutes sortes. Bellegarde, quoique sans le sou, n'en était pas moins un infatigable collectionneur, et les murs de son appartement étaient couverts de vieilles armes rouillées, de potiches et de faïences anciennes, les portes dissimulées sous des tapisseries fanées, le plancher caché par des pots de bêtes, ça et là quelques-unes de ces inutiles inventions dont les tapissiers français sont si prodigues, un miroir à demi voilé par des rideaux et placé dans un coin tellement sombre qu'on ne pouvait s'y voir, un divan tellement surchargé de franges et de plissés qu'il était impossible de s'y asseoir, une cheminée autour de laquelle les étoffes se drapaient, s'entrecroisaient, retombaient en plis si épais qu'il ne fallait pas songer à y faire jamais le feu. Rien ne saurait donner idée du pittoresque désordre qui régnait dans cet appartement. Il y régnait aussi une forte odeur de cigares, mêlée à des parfums pénétrants et qui vous prenaient à la gorge. Newman trouva tout cela d'une tristesse désespérante. Il ne comprenait pas qu'on pût vivre au milieu d'un mobilier si extraordinaire et si encombrant. De Bellegarde aimait à parler de lui et dévoilait impitoyablement les mystères de sa vie privée. Dans cette histoire de ses joies et de ses chagrins, il était, cela va de soi, souvent question de femme, et de temps en temps il poussait quelque exclamation sentimentale et ironique. « Oh, les femmes, tout ce qu'elles m'ont fait faire !» s'écriait-il avec un regard brillant, ou bien « C'est égal, de toutes les folies ou stupidités que j'ai commises pour elles, je n'en voudrais pas effacer une seule. » Sur ce sujet, Newman gardait une extrême réserve. Ce bavardage lui semblait indigne d'un homme qui se respecte. Cependant, les confidences de Bellegarde l'amusaient sans le froisser, tant ce charmant garçon était loin d'être un cynique. « Je ne crois pas être plus dépravé que la plupart de mes contemporains, » disait-il parfois. « Eh bien, somme toute, malgré ce que je vous ai raconté d'étonnant sur mes petites amies, vos cheveux s'en dressaient sur votre tête, eh bien, somme toute, elles ne sont pas si mauvaises qu'elles en ont l'air. Et puis, » ajoutait-il, « je ne vous conseille pas de juger les femmes d'après mes récits. Je ne puis faire autorité en cette matière. Je suis trop porté en leur faveur. Je suis un idéaliste. » Newman l'écoutait avec son impartial sourire, heureux de l'entendre parler ainsi, mais au fond, il se refusait à croire qu'un Français pût découvrir dans le beau sexe des qualités que lui-même ne soupçonnait pas. Valentin ne se contentait pas de parler de lui. Il questionnait Newman sur les événements de sa vie. L'Américain racontait alors des histoires 100 fois plus étonnantes que celles de son ami. Il racontait ses luttes depuis le commencement de sa carrière, les hauts et les bas de sa fortune. Et quand Bellegarde semblait émettre un doute sur sa véracité, il se donnait le plaisir de forcer un peu la note. Il avait tant de fois, dans les tavernes du Nouveau Monde, devant le poêle, à la veillée, entendu des récits humoristiques de voyageurs amplifiant à qui mieux sur leurs aventures, que mettant ses données à profit, il trouvait plus d'une bonne bourde dans son sac. Bellegarde, à la fin, prit le parti de rire de tout, en bloc, et de paraître en ne rien croire, pour avoir l'air de ne rien ignorer. Il en résulta qu'il fut absolument impossible à Newman de lui faire admettre certaines vérités indiscutables et consacrées par le temps. « Mais qu'importe les détails, » disait Valentin. « Vous avez eu évidemment quelques aventures étonnantes. Vous avez vu la vie quelquefois sous d'étranges aspects. Vous avez parcouru le nouveau continent de long en large, comme je me promène sur le boulevard. Vous êtes un homme du monde, dans toute la force du terme. Vous avez eu des moments terribles et avez fait des choses fort désagréables. J'en conviens. À 15 ans, pelletant de la terre pour gagner de quoi souper, mangeant du chien rôti dans un campement de chercheurs d'or, calculant 10 heures par jour, sans reprendre haleine, écoutant jusqu'au bout un sermon méthodiste pour le plaisir de regarder une jolie fille sur le banc en face. Tout cela est fort pénible, c'est raide, comme nous disons. Mais au moins, vous avez vécu, vous avez agi, vous êtes quelqu'un. Vous avez fait preuve de volonté et vous avez réussi. Vous ne vous êtes pas abruti dans la débauche. Vous n'avez pas hypothéqué votre fortune pour des besoins chimériques. Vous prenez les choses comme elles sont. Et vous avez encore moins de préjugés que moi, qui prétend n'en pas avoir et qui en réalité en est 3 ou 4. Heureux homme, vous êtes libre et fort. Mais, pour conclure, qu'allez-vous faire de tant d'avantages ? Pour les employer dignement, il vous faudrait un monde meilleur que le nôtre. Il n'y a rien à faire ici pour vous. Je crois que si, dit Newman. Dites-moi quoi ? Un autre jour. C'est ainsi que le brave Américain remettait toujours au lendemain pour aborder la question qui lui tenait si fort au cœur. En attendant, il gagnait peu à peu du terrain. Il se familiarisait avec la situation. 3 fois déjà, il était retourné chez Madame de Saint-Tré. Une fois, elle était sortie. Les 2 autres, elle avait du monde. 7 ou 8 personnes qui parlaient beaucoup et absorbaient l'attention de leur hôtesse. Celle-ci trouva cependant le temps d'adresser à Newman un vague sourire, qui le charma d'autant plus qu'il était plus vague et qu'il pouvait lui donner à loisir plus d'interprétations flatteuses et agréables. Pendant ces 2 visites, Newman resta assis sans parler, regardant entrer et sortir ses allants et venants, écoutant leur bavardage. Il se croyait au théâtre et aurait craint d'interrompre la représentation en élevant la voix. Par instant, il aurait désiré un livret pour suivre le dialogue et s'attendait presque à voir une ouvreuse au bonnet blanc à ruban rose lui en offrir un pour 2 francs. Quelques-unes de ces dames lui lançaient des regards très perçants ou très doux, comme il vous plaira. D'autres semblaient ne pas s'apercevoir de sa présence. Quant aux hommes, ils n'avaient Dieu que pour Madame de Saint-Tré. C'était inévitable. Qu'on la trouvât belle ou non, elle seule occupait l'attention comme un son agréable emplit l'oreille. Newman n'échangea pas 20 paroles avec elle, mais il emporta une impression que les plus solennelles promesses n'auraient pas rendue plus profonde. Il lui semblait que, comme les autres, elle jouait un rôle dans la comédie dont il était témoin. Mais comme à elle seule elle remplissait la scène, qu'elle se leva ou qu'elle s'assit, qu'elle reconduisit une de ses visiteuses jusqu'à la porte, soulevant d'une main la lourde draperie et faisant de la tête un dernier signe d'adieu amical, ou qu'elle se renversa dans son fauteuil, écoutant et souriant, les bras croisés et le regard vague, Newman éprouvait toujours le même sentiment, le désir de l'avoir sans cesse devant lui, accomplissant avec une grâce si calme tous les devoirs de l'hospitalité. Si elle exerçait cette hospitalité envers lui, ce serait bien. Si elle l'exerçait pour lui, ce serait mieux encore. Elle était si majestueuse et si charmante, si active et si posée, si élégante et si simple, si franche et si mystérieuse. Et c'était précisément ce mystère dont elle paraissait enveloppée qui intriguait Newman. Il la voyait bien sur la scène, mais qu'était-elle une fois le rideau baissé ? Il n'aurait pu expliquer pourquoi il croyait un mystère dans la vie de cette jeune femme. S'il eût été poète, il vous eût dit qu'il entrevoyait autour de Madame de Saint-Tré le cercle indistinct qui accompagne parfois le croissant de la lune à son déclin. Ce n'était pas qu'elle fût réservée, au contraire, elle semblait aussi franche qu'une eau limpide. Mais Newman était sûr qu'elle-même ne soupçonnait pas la moitié de ce qu'elle valait. Il s'était abstenu, pour plusieurs raisons, de parler de tout cela à Bellegarde. D'abord, il réfléchissait toujours mûrement avant de prendre un parti. Peu pressé, de sa nature, comme un homme qui sait que le jour où il se mettra en marche, il ira à grands pas, cela l'amusait de n'en point parler, cela l'occupait, l'excitait. Pourtant, un soir, ils avaient dîné ensemble au restaurant et flânaient en causant après le dessert. Bellegarde proposa tout à coup, pour finir la soirée, d'aller rendre visite à Madame Dandelard. Madame Dandelard était une petite Italienne, mariée à un Français qui avait commencé par la ruiner. Puis, sans argent pour continuer sa joyeuse vie, il s'était mis à la battre. Aujourd'hui, séparée de son mari, après avoir réuni les derniers débris de sa fortune passée, elle était venue vivre à Paris dans un hôtel garni en attendant qu'elle eût trouvé, disait-elle, un appartement convenable. Bellegarde avait fait par hasard sa connaissance et continuait à la voir, curieux, prétendait-il, de savoir ce qu'elle deviendrait. Elle était fort jolie, très enfant, et vous étonnait parfois par les réflexions les plus extraordinaires. « Elle est pauvre, sotte et charmante, » dit Bellegarde. « À mon avis, il n'y a pour elle qu'un avenir possible. C'est triste, mais qu'y faire? Je lui donne 6 mois. Elle n'a rien à craindre de ma part, mais je veux suivre le cours de l'affaire. » « Si vous pensez qu'elle se perdra, » dit Newman, « il est de votre devoir de l'arrêter à temps. »« L'arrêter, comment ? » ?»« Parlez-lui, donnez-lui un bon conseil. » Bellegarde se mit à rire. « Dieu m'en préserve. Mais vous, chargez-vous de la commission, mon cher. » Ils quittèrent le restaurant et se rendirent chez Madame Dandelard, quand ils en sortirent. « Eh bien, » dit Valentin à Newman, « et votre fameux conseil ? Je n'en ai pas entendu un traître mot. » « Oh, j'y ai renoncé, » répondit Newman simplement. « Vous êtes aussi pervers que moi, alors ?»« Non, parce que les aventures à venir de la pauvre femme ne me causent aucun plaisir intellectuel à moi. Je serais désolé de sa chute. Je voudrais pouvoir la lui faire éviter. Mais pourquoi, » ajouta-t-il après un moment de réflexion, « pourquoi ne pas prier votre sœur d'aller la voir ?»« Allez chez Madame Dandelard, ma sœur, » s'écria Valentin. « Elle la ramènerait dans le bon chemin, j'en suis sûr. » Bellegarde, subitement devenue grave, secoua la tête. « Ma sœur ne peut mettre les pieds chez une femme de cette espèce. Madame Dandelard n'existe pas, elles ne se rencontreront jamais. »« Je croyais votre sœur libre de voir qui lui plaît. » Valentin ne répondit pas. Quelques jours après, comme il proposait à Newman une nouvelle visite chez la jeune et infortunée Italienne, « Non, j'ai quelque chose de mieux à vous offrir, » dit l'Américain. « Venez chez moi, nous passerons la soirée au coin du feu et nous causerons. »